Avant de commencer cet épisode, juste deux, trois petits détails. Il a été enregistré avant le podcast qu'on a fait avec Ulysse sur Julien Douze Chapitres, et donc il devait sortir avant, mais bon, comme la date de Julie approchait, je me suis dit autant le sortir le même jour que la date de sortie cinéma, et j'ai préféré monter celui de Julie avant. Donc celui-là est un peu passé à la trappe, c'est pour ça que je le sors maintenant. Donc si je fais mention de l'épisode sur Julien Douze Chapitres dans ce podcast sur l'Étrange Festival, c'est normal parce que de base il devait sortir avant. Et pareil, quand je dis que c'est la reprise du podcast, etc., ça devait être l'épisode qui marquait la reprise, sauf que finalement ça l'a pas été. Donc voilà, c'est donc juste voilà, un petit avertissement pour vous prévenir que s'il y a toutes ces incohérences, c'est normal. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies. Et après un mois très compliqué niveau vie perso, je suis très heureux de pouvoir reprendre le podcast. Et pour me faire pardonner de cette longue absence, on va repartir non pas avec un film mais neuf, puisque aujourd'hui je vais faire un best-of de l'Étrange Festival. Alors, l'Étrange Festival, qu'est-ce que c'est? Pardon, tout d'abord, c'est la moindre des choses. C'est un festival qui se tient à Paris, au Forum des Images, à Châtelet, qui est spécialisé dans le cinéma de genre, donc cinéma horrifique, fantastique, thriller et science-fiction. Et c'est un festival qui se tient habituellement tous les ans, voilà. Mais qui, cette année, en raison. Enfin, qui, de l'année dernière, pardon, n'avait pas pu avoir lieu, il me semble. Non, si, il a eu lieu, il a eu lieu. Non, j'ai dit n'importe quoi. Autant pour moi. Qui a eu lieu en 2020? Voilà. C'est bon. J'ai eu un doute, j'ai vérifié. Il a bien eu lieu en 2020. D'ailleurs, il y avait l'excellent Impétigore que j'ai vu pendant Gérard May. J'espère qu'il va pouvoir sortir en France, quoi. Voilà. Mais il était là. Il était là, donc on est bon, on peut y aller. Donc oui, c'est vrai que c'est un des. Beaucoup de festivals ont dû annuler ou reporter, mais l'Étrange, c'est quand même un des seuls qui est resté et qui s'est tenu en présentiel à chaque fois. Bon, là, il n'y avait pas sanitaire, il y avait tout ça, mais voilà, on a pu faire l'Étrange. J'ai vu 9 films, du coup, pendant ce festival, et je vais vous raconter un peu, voilà, comment ça s'est passé les séances, etc., s'il y avait des choses intéressantes à dire, ou sinon, je vais vous donner, comme d'habitude, mon avis sur les films, et donc je vais faire ça de manière chronologique, c'est-à-dire que je vais aborder les films dans l'ordre dans lequel je les ai vus. Voilà, j'ai fait en fonction de mon emploi du temps, si je pouvais être libre ou pas, donc il n'y a pas de préférence ou quoi, c'est pas parce que j'aborde un film au début que c'est parce que c'est celui que j'ai le moins aimé et que j'y vais crescendo. Non, c'est juste que voilà, c'est en fonction de l'ordre dans lequel je les ai vus. Et donc on va tout de suite attaquer par le premier film que j'ai vu de cet étrange festival. Un film qui était aussi au Festival de Cannes dans la sélection à certains regards, puisque il s'agit d'un premier film, enfin un premier long métrage pour le coup, à savoir L'M de Valdimar Johansson. Donc Valdimar Johansson, c'est un monsieur que vous pouvez faire un vous. Le connaissez sûrement pas, mais vous connaissez son travail puisque vous avez tous déjà vu, par exemple, enfin tous, voilà, façon de parler, beaucoup de gens ont vu Rogue One, par exemple, le film Star Wars, beaucoup de gens ont vu Oblivion, beaucoup de gens ont vu The Tomorrow War, qui est sorti très récemment sur Prime Video. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans plus les effets spéciaux. Voilà, qui a fait les effets spéciaux sur, bon, comme je dis, Rogue One, qui a fait des effets spéciaux sur Prometheus, qui a fait des effets spéciaux sur un Transformers, sur Voyage au bout de la Terre. Voilà, tous ces films-là, où il était dessus en tant que, enfin, dans le département des effets spéciaux, et il s'occupait de la caméra sur pas mal de films, comme je l'ai dit, Oblivion. Voilà. Donc, c'est un mec qui sait faire, c'est un mec qui est doué, c'est un mec qui a de la pratique, qui sait comment voilà, comment exploiter les CGI, comment exploiter les caméras, voilà, etc. C'est un mec qui sait faire, et donc là, il a décidé de réaliser son premier film. Et donc, vous en avez sûrement entendu parler de ce film, puisqu'il a pas mal marché au moment de Cannes, il a pas mal fait parler. Je sais qu'il y a Demoiselle d'Horreur qui en parlait beaucoup sur Twitter, et qui d'ailleurs, dans mes souvenirs, était là, est venu le revoir aussi, à la séance où j'étais. Donc, voilà, donc vous avez, je pense, entendu parler du film. Et c'est en vrai, je dois dire que c'est assez réussi. De quoi ça parle d'abord? Je vais un peu vite. De quoi ça parle? C'est un. En vrai, je pense qu'il. Je vais essayer d'en dire le moins possible parce qu'il y a vraiment une surprise qui. Voilà. C'est en gros un couple qui n'a pas d'enfants, qui sont donc des fermiers. Et en gros, disons que leur vie va changer le jour où il y a la naissance d'un bébé agneau. Voilà. C'est pour ça que le film s'appelle Lemb. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Je pense que si j'en dis trop, enfin si j'en dis plus, ça va gâcher le film. Je m'explique. Il y a un effet pratique, un effet visuel, un effet qui du coup n'est pas pratique, vraiment qui est tout sauf pratique, qui est vraiment numérique. Un effet visuel qui en gros vient en fait. Ah, je sais pas comment dire sans spoiler. Il y a en fait, le truc central du film, c'est un effet pratique. Il y a vraiment un moment où ça vient nous claquer la gueule et faire, ah oui, d'accord, ah c'était ça, ok. Bref, ceux qui ont vu le film savent de quelle scène je parle. Moi, c'était un film, mon premier film que j'ai vu à l'étrange, et je dois dire que c'était des débuts vraiment réussis parce que c'est un coup de cœur, vraiment. Lemb, c'est un film qui vient de A24. A24 que vous connaissez peut-être pour avoir produit des films comme par exemple le film d'Ari Aster, produit et distribué, d'ailleurs ils distribuent plus qu'ils produisent. Voilà, aux États-Unis, ils ont distribué Climax de Gaspar Noé, donc voilà, on est un peu dans cette veine un peu Elevated Horror. Et moi, c'est un courant que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de critiques vis-à-vis du Elevated Horror, mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, j'avais très hâte de voir Lemb, mais j'ai vraiment pas été déçu. Si je prends mon top 2021, il est top 13 actuellement, mais bon, sachant que il y a déjà 36 films dans mon top 13, c'est bien. Et puis il y a beaucoup d'excellents films qui sont sortis cette année, hein. Il y en a une année de cinéma incroyable, mais voilà. Bref, non, du coup, je suis assez fasciné par ce film, en fait. Je trouve très très bien écrit dans le rapport qu'on a avec les personnages. Je trouve ça très bizarre parce qu'il y a vraiment des moments où on est en mode. Ouais, mais du coup, j'ai plus d'empathie avec ce personnage-là, et en fait, on se rend compte que, oui, mais il a quand même fait ça, etc. Je parle principalement, en fait, au moment où l'agneau naît, ça je peux le dire, ça gâche pas le film, mais au moment où l'agneau naît, en fait, le couple choisit de le prendre et de l'élever comme un vrai enfant, quoi, genre un bébé humain. Et il y a ce truc et il y a la maman chèvre, la maman. Non, c'est pas. Non, bref, je sais plus. Je sais pas ce que c'est la femelle du mouton. Mais voilà, la maman femelle du mouton qui vient et qui vient à la fenêtre et qui arrête pas de beuler parce que bah elle veut récupérer son enfant. Et il y a ce truc de. Il y a ce truc de. Putain, mais c'est tellement des connards d'avoir pris l'enfant et tout. Et en même temps, ils s'en occupent super bien. Et genre, il y a ce truc de. Au bout d'un moment où ça devient tellement naturel, ils arrivent à imposer ça tellement naturellement. Que ça en devient limite, genre, c'est pas flippant, mais je dirais dérangeant, quoi. Et c'est ça, c'est ce genre de procédé que je trouve super intelligent, super bien amené. Il y a tout ce qui est au rapport à l'image est fabuleux dans ce film. Il y a une photo qui est incroyable. Il y a des paysages naturels qui ont été incroyablement bien choisis. Vraiment, il y a rien à dire. Les décors sont magnifiques. Et puis, il y a cet effet pratique que je ne peux pas dévoiler parce que ça vous niquerait le film totalement. Il y a vraiment cet effet pratique qui est au centre du film en fait, qui est vraiment, voilà, j'ai pas envie de dire que le film dépend de ça, mais c'est vraiment le truc impressionnant par rapport à ce petit bébé agneau. Et c'est frustrant de pas pouvoir en parler parce que je ne peux pas en parler sinon voilà, c'est du tout. Mais il y a vraiment un truc dans cet effet où ça va créer du comique en fait autour des personnages parce qu'il y a un moment il y a le frère de il y a le frère du fermier qui va arriver et qui va être assez genre surpris parce que bon bah la situation est un peu spéciale et au début il va genre vraiment pas être d'accord et tout et au bout d'un moment il va se rendre compte que oh bah finalement le bébé il est plutôt mignon, je l'aime bien. Et ça c'était très drôle. Il y a vraiment une scène où j'étais mais scotché à mon siège en me disant putain putain il va pas faire ça quand même. Et cette scène d'après où il y a une rupture de ton superbe. Enfin bref voilà. Et ouais c'est un film qui parle du fait d'être parent, qui parle du fait de ne pas être parent aussi du coup, qui entraîne tout ça hein, vraiment. Ce semblant de parenté qui est là, qui en fait, ce qui dit aussi un peu flippant, c'est qu'ils sont convaincus durs comme fer que c'est leur enfant. Et, euh, Et y a un truc qui a rien à voir qui, aussi, qui fait que j'ai adoré le film, c'est que il y a vraiment ce message de fin qui est Don't fuck with nature. Genre vraiment, il y a la fin est très froide. Genre c'est un truc très froid, très très bref, très cruel. Enfin cruel, ça dépend. C'est là où je vous dis que je sais pas trop. Du coup, je sais pas trop. Voilà, on sait pas trop se positionner par rapport au personnage. Mais bref, la fin est très cruelle et très brutale. Et je pense que le film ne loupe pas son climax. Je pense que le film s'arrête au bon moment, je pense que le film a tout compris, et voilà, je pense que dans tous les cas, c'est un film qui restera dans ma mémoire, et qui est dans la lignée directe, je trouve, des films A24 que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite. Il est distribué par Jokersfilm, qui a tout niqué globalement durant cet étrange festival. Ils avaient énormément de films, je crois qu'ils en avaient trois. Trois que j'ai vus, voilà, dont je vais parler d'ailleurs, hein. C'est le premier trois que j'ai vus. De toute façon, Jokersfilm, il faut savoir qu'ils ont un line-up, mais de malade, Jokersfilm, vraiment gros cœur sur vous. Vous faites un taf exceptionnel. Bref, il sort le 29 décembre, ce qui est assez marrant, parce que ça pourrait passer pour un conte de Noël, même si c'est pas très joyeux. Et je pense que Jokers va jouer un peu là-dessus, et ça va être marrant, je pense, au niveau de la promo. De toute façon, ils savent toujours nous surprendre au niveau de la promo, donc... Je pense que ça va être rigolo et j'ai hâte de voir la promo qui va être faite. Voilà. On va maintenant passer à un film qui est dans un tout autre contexte, puisqu'on va passer au film Sweetie, You Won't Believe It de Yarnar Nurgaliyev. Уже ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Мы не успели поймать, понимаешь? Там кипиш начали. Мы увидели убийство, начали убегать, за нами гнались. Потом появился какой-то одноглазый маньяк, начал всех убивать. Я увидел, как там голову отрезали. Попали в дом каким-то извращенцем. А подтвердить кто-нибудь может? Умерли все. Alors je m'excuse par avance si j'ai mal prononcé son nom, je ne parle pas le russe, puisque le film est en russe. C'est un film kazakh. Il faut que je vous raconte comment on a décidé d'aller voir. C'était vraiment un coup de tête. Pour ceux qui connaissent Châtelet, il y a un petit parc en haut du forum, en haut du centre commercial, où se trouve UGC Ciné Cité Les Halles et le Forum des Images. Et en gros, on a été posé dans ce parc avec Thibaut, qui, je le sais, écoute ce podcast. Donc Thibaut, je te fais un petit coucou. Et en gros, on se balade sur Instagram et on voit Sweetie, You Won't Believe It, comédie horrifique, etc. Moi, j'avais déjà pris une place pour avoir un autre film et puis j'ai fait. Tu veux pas qu'on y aille? Et hop, on s'est décidé, genre instinctivement, comme ça, on est parti, on a pris nos places. Et c'était une séance. Waouh! Déjà, je l'ai pas dit pour l'aime, mais il y a eu une panne d'écran, moi, il n'y a plus d'image. Genre vraiment, l'image n'est plus là. Et là, c'était une séance, mais vraiment séance de festival, sincèrement. C'était. Il y avait rien qui allait. Déjà, le film, ils ont dû le démarrer, je redémarrais 4 fois, je crois, parce qu'il n'y avait pas. En fait, ça commençait, on était en mode. Ah d'accord, déjà, ça commence, on voit sous-titres anglais. On n'était pas au courant. On a fait bon, ok, pourquoi pas. Moi, je parle bien anglais, ça m'a pas dérangé. Enfin, si au début, j'étais un peu surpris, mais le courant de mon cerveau s'est habitué, ça va. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais. Donc, ça a continué et tout. Et en fait, là, on est arrivé, et puis, au bout d'un moment, plus de son. On fait ah, il y a un problème. Et en fait, on a dû attendre parce qu'il y avait un problème d'électricité sur tout le forum. Et du coup le son ne marchait pas, ils ont dû relancer le film 4 fois avant que ça marche et du coup ça a décalé toute la journée, surtout que ce film là plus les deux prochains dont je vais vous parler, je les ai vus tous à la suite, j'ai passé mon après-midi là-bas, après-midi plus soirée, et voilà, et donc du coup on était en mode, ouais trop bien, bref le film démarre, c'est super, c'est super, j'ai pas de connaissances en cinéma kazakh, je crois que c'est le premier film kazakh que j'ai vu de toute ma vie, mais c'est incroyable, c'est vraiment un film de festival, mais... Oh mon dieu, on a hurlé de rire. On a hurlé de rire, c'est magnifique. Ce film est super drôle. En fait, c'est l'histoire d'un mec, en gros sa femme est enceinte, mais sa femme elle est un peu autoritaire et tout, il en a ras-le-bol, il fait ok c'est bon, je vais pêcher avec des potes, tu vas pas me faire chier. Et donc le gars part pêcher, et en fait, par hasard, en essayant de pêcher, il tombe sur des gangsters, enfin je sais pas, bref, il tombe sur quelqu'un qui tue des gens. Voilà. Tombe sur quelqu'un qui tue quelqu'un et du coup bon bah ces personnes ils sont en mode ouais mais nous on n'a rien vu hein, vraiment nous c'est bon on veut vivre hein, juste on s'en va et on dit rien à personne et en fait ils vont pas l'entendre comme ça et du coup ils vont essayer de les pourchasser sauf que ces gars là qui donc qui donc essayent de tuer la personne qui les a vu tuer quelqu'un, enfin les personnes qui les ont vu tuer quelqu'un, sont pourchassés eux-mêmes par un mec à qui ils ont tué le chien. Ils ont tué leur chien, qui est une scène horrible d'ailleurs. Moi, la violence animale, je ne peux pas. Voilà, très clairement. Bref, qui ont tué le chien, et donc le mec, à la John Wick, se vénère et va les défoncer. Et il a une gueule assez atypique. Voilà, je sais plus exactement ce qu'il a, son visage, mais sa gueule est assez atypique. Et genre, le mec va les défoncer. Genre, vraiment, ils ont tué son chien. Il va les niquer. Voilà, et c'est super drôle. Donc il y a ce jeu du chasseur chassé qui est hilarant par moment. Il y a énormément de quiproquos, de trucs qui n'ont aucun sens qui arrivent, mais c'est magnifique, c'est super. Contrairement à Lamb, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que justement, ça se voit que c'est un film qui a pas énormément de budget, mais qui va servir d'effets pratiques énormément concrets, super bien fait, des très bonnes prothèses, de trucs comme ça. Et moi, j'aime bien ce truc de revenir à un cinéma plus pratique. Je vous parlais des effets pratiques dans The Suicide Squad, que j'avais énormément aimé, qui rappelait Horribilis, etc. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai adoré et que vraiment c'est un plaisir de voir ça, en fait, de voir ces effets pratiques. Moi je suis quelqu'un qui est plus emballé par les pratiques que par les numériques, parce que les numériques c'est généralement pas très joli, alors que les pratiques, voilà, il y a un vrai truc, etc. Bref, les effets pratiques sont super. Il y a beaucoup de gore, c'est vraiment très gore, c'est gore et débile, c'est vraiment tout ce que je demande vraiment quand je vais dans un festival de cinéma de genre. Gore et débile, ça me va. Même quand je suis chez moi et que je lance un film, gore et débile, ça me va. Il m'en faut pas plus, vraiment. Et il y a énormément de running gags, comme par exemple un mec qui s'évanouit, qui est censé être du côté des gangsters, mais qui s'évanouit quand ils font des trucs un peu hard. Vraiment, comme le gars qui veut me venger son chien est genre... Bah, hyper... comment dire ? Le gars est genre déterminé, quoi. Il veut leur faire du mal, du coup il fait des trucs genre assez chauds. Et du coup le mec à chaque fois tombe sur les meurtres et s'évanouit, et on sait ce qui va se passer, mais c'est quand même drôle, et on tape une barre à l'avance. Puis il y a un délire avec un des potes qui est genre qui est vendeur dans un sex shop et qui a des poupées gonflables, et à un moment il s'en sert pour faire un radeau, etc. Enfin bref, il y a des running gags comme ça qui sont vachement drôles. À mon avis, on n'aura pas ce film en France. Je pense que qu'il n'arrivera pas jusqu'à nous, en fait. Ou alors qu'il arrivera, mais qu'il sortira en VOD. Il aime pas j'hallucine, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de distrib, évidemment. Personne va se risquer à sortir un film kazakh. Mais vraiment, c'est super. Si vous avez l'occasion de le voir par quelques moyens, quel que soit le moyen, voilà, c'est super. Vraiment, foncez. C'est incroyable et vraiment drôle. Donc, on va pouvoir passer au prochain film qui est... La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov. Так жалко всех этих людей, что хочется заколотить их всех в читальном зале и сжечь библиотеку. Жена твоя сказала, что ты другую любишь. Если уж спишь с кем-то, так скажи. А правда, что когда убийца умирает, вокруг его постели собираются привидения всех, кого он убил? Donc, La fièvre de Petrov, un autre film qui était au Festival de Cannes, mais qui cette fois était en compétition. C'est un film qui avait fait pas mal parler de lui à Cannes, parce que il y avait eu le film d'avant de Kirill Serebrennikov, qui était Leto, qui avait fait énormément parler de lui en bien. Que voilà, j'ai pas vu d'ailleurs Leto, mais tout le monde m'a dit que c'était formidable. Et voilà, où il utilisait le noir et blanc, et où il, apparemment il le faisait très très bien. Et il revient avec La fièvre de Petrov, qui est une adaptation de livre. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui aussi à Cannes, mais pas forcément pour les mêmes raisons que Leto. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce que beaucoup de gens voyaient le réalisateur repartir avec le prix de la mise en scène, ce qui est pas le cas du coup, puisqu'il est parti aller au Scarax pour Annette, et ça c'est un bonheur absolu. Voilà, je suis assez d'accord, la mise en scène est absolument dingue, il y a des trucs, mais... J'étais scotché à mon siège devant certains effets de mise en scène qui sont absolument fous. Je pense qu'on a rarement vu ça dans un film. Il y a des trucs super intelligents, du passage du noir et blanc à la couleur, enfin de la couleur au noir et blanc plutôt. Il y a des moments où ça fait des flashbacks, le ratio de l'image change. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont en soi peut-être assez communs, mais qui sont ici super bien exploités. Et bref, il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs formidables dans la mise en scène. Et il n'aurait pas volé son prix très clairement s'il l'avait eu. Maintenant, je trouve le film sympathique, faut le dire, mais j'ai un gros problème. Le gros problème, c'est que c'est un récit absolument décousu. C'est un film qui fait pas d'effort, qui va pas vers son spectateur, qui propose des trucs non-sensiques, qui est un film qui va essayer de vous mindfuck en permanence, en fait, qui va proposer des trucs qui se contredisent, des visions de ok, il est malade, donc du coup, ça, on sait pas si c'est réel, en fait, c'est réel, en fait, ça l'est pas, bref, on ne sait rien, enfin, il y a vraiment ça. Le spectateur n'est pas aidé à comprendre ça. C'est un récit très décousu, et en fait, si vous comprenez pas, ce qui va forcément être le cas, parce que vous ne pouvez pas tout comprendre, moi j'étais paumé, sincèrement, vous allez vite sortir du film, en fait, vous avez vraiment. Avoir ce truc de rester en dehors et de genre vraiment contempler le truc en mode putain, c'est tellement bien mis en scène, mais pour pas grand chose. Parce que ça raconte pas rien, ça raconte des choses. Mais c'est tellement décousu qu'on n'arrive pas à se focus sur le scénario en fait. Et que non, c'est juste. C'est pas vide, mais c'est juste. Ça n'a aucun sens, on comprend rien. Tout simplement, voilà. Et ça, c'est quand un film fait plus de 2 heures, je crois qu'il fait 2h20, bah c'est un problème. C'est un problème parce que du coup on n'est pas dedans, on n'est pas plongé dedans, on n'est pas, voilà. Donc c'est un problème. Et ça me fait chier parce que je voulais aimer ce film, moi j'avais plutôt hâte de le voir. L'affiche française est fabuleuse, vraiment, l'affiche française est incroyable. Mais toujours est-il que je trouve que c'est dommage d'avoir une mise en scène aussi formidable pour un truc aussi décousu et incompréhensible qui te sort du film en permanence. Je trouve ça très très dommage. Parce que le film a vraiment le potentiel pour être un des meilleurs films de l'année. Mais 2h25 de ça, c'est trop. Malheureusement, c'est trop. Voilà. Le film va sortir le 1er décembre. Il est distribué par Backfilm, voilà. Donc je sais pas si je vous encourage à aller le voir. Je pense que c'est bien que vous vous fassiez votre propre avis. Je pense que c'est bien. Moi j'ai du mal, ça a été ma première, je vais pas dire une désillusion parce que ça reste un bon film, mais première quand même déception parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de super. Donc je pense que c'est bien que vous ayez fait vos propres avis, même si à mon avis ça va rebuter beaucoup de personnes. Donc maintenant on va passer au meilleur film pour moi que j'ai vu dans ce festival, à mon coup de cœur, à un film qui j'ai mis 5 étoiles, un film qui est déjà dans mon top 2022 alors qu'on est en septembre 2021, non, en octobre maintenant, mais bref, je l'ai vu en septembre 2021, pardon, et c'est Inexorable de Fabrice Duvelt. Alors ça, c'était une séance, mais mémorable, pour la simple et bonne raison qu'il y avait Monsieur Benoît Poelvoorde qui était présent. C'était fabuleux en fait. Enfin, j'ai pas d'autres mots, c'était juste fabuleux. Ce mec est incroyable, il est arrivé, il était totalement déchiré. Il était bourré, mais d'une puissance, mais c'était fou. Il nous a fait rire toute la présentation. Je vous mettrai des petits extraits au montage. Il y a ce moment incroyable où il nous sort. Je suis pas à l'étrange par choix. En fait, si je suis venu à l'étrange, c'est pour pouvoir refuser Deauville. Éclatement de rire, ça l'applaudit. Il a eu le droit à une standing ovation déjà, donc c'est pas donné à tout le monde, voilà. Et après avoir dit ça, donc applaudissement, rire, et il fait j'ai pas envie d'aller dans un festival où les gens mettent un pull sur leurs épaules. Gros éclat de rire aussi, ça je vous mettrai au montage parce que vraiment c'était incroyable. Je suis à l'étrange pour pouvoir refuser Deauville. Je ne pourrais pas aller dans un festival où on met son pull sur les épaules. Non, je... Ici, le tatouage est obligatoire. Si on n'a pas fait un peu de prison, c'est qu'on n'a jamais fait le cinoche. Et alors, je suis très, très, très fier, très heureux, mais maintenant, je vais fermer ma grande gueule et laisser parler les autres. Bref, Benoît Poelvoorde, voilà, j'aime cet homme vraiment incroyable. Vraiment, ce mec est incroyable, il est génial, voilà. D'ailleurs, il y a Alexei, je ne sais pas si tu écoutes ça, j'espère que tu écoutes ça quand même, voilà, qui a réussi à trouver Benoît Poelvoorde après le film et qui a bu des coups avec lui, que je suis extrêmement jaloux. Moi, j'étais tout seul en train de manger une pizza chez moi, je suis très jaloux, voilà. Donc ouais, c'est un film, ça raconte quoi, Inexorable. Un auteur à succès, enfin un auteur qui a eu son premier succès, qui s'appelait Inexorable, qui en gros galère un peu à retrouver justement un livre qui marche, qui arrive pas trop à écrire justement d'un truc qui se vend bien. Et il y a une jeune fille donc qui s'appelle Gloria qui va un peu par hasard, enfin un peu par hasard entre guillemets, rentrer dans la vie de famille, etc. Et qui va petit à petit s'immiscer et qui va faire des choses assez horribles, voilà, et qui est totalement obsédé par par je sais plus son nom dans le par Monopoly World, mais je sais plus le nom de son personnage. Je vais regarder ça tout de suite. Par Marcel, voilà, c'est ça, c'est Marcel. Donc oui, il y a vraiment ce truc de personne obsédée par une autre personne. Moi, j'adore ce délire, j'adore ce truc de personne obsédée par une autre personne ou par une chose. Il faut savoir que j'aime beaucoup Ma de Ted Taylor. Je sais que c'est pas exceptionnel, mais j'aime beaucoup Ma. J'aime beaucoup la série You. Vraiment, j'ai pas honte de l'avouer, j'aime beaucoup You, je prends un plaisir énorme à regarder You. C'est vraiment mon délire. Alors imaginez déjà que si ça c'est des trucs genre un peu moyens mais que j'adore, alors imaginez ce postulat réalisé par Fabrice Duvet. J'ai passé un moment incroyable, ce film est super. Il y a une photo absolument magnifique. Je suis pas spécialiste, mais je dirais que ça a été filmé à la pellicule. Je pense que je peux... que je m'avance pas trop quand je dis que ça a été filmé à la pellicule, vraiment. Je comprenais pas trop ce choix au début, mais en fait il s'avère que c'est formidable, que je trouve que c'est le bon choix, qu'il a bien fait, et que ça fait vraiment ressortir certaines couleurs, et que voilà, je trouve que c'est un très bon choix, finalement. Moi c'était le premier film que je vais être Fabrice Duvels, j'ai dans ma liste depuis plus d'un an, Calvaire, que j'ai vu après coup, pour le coup Calvaire je l'ai vu. Alléluia, Adoration, tout ça, enfin bref, j'ai ces films dans ma liste, mais j'avais jamais franchi le pas, donc c'était le premier que j'ai vu, et je lui ai dit à la fin, et voilà, ça lui a fait plaisir, que je dis que c'est une grosse claque, et ça lui a fait plaisir. Je trouve ça, voilà, quand je vous l'ai dit, je trouve ça fou, en fait, ce truc de personne qui est obsédée par l'autre, et bref, et il y a ce truc horrible de, je peux pas trop en dévoiler, mais au bout d'un moment, on se dit que, ok, donc son rapport avec Marcel, c'est ça. Et donc, il y a une scène qui nous fait penser que, ah bah non, en fait, ce n'est pas ça. En fait, c'est juste ça. Et en fait, ça revient à la première hypothèse en fin de film. Et c'est une descente aux enfers. Parce que du coup, le fait que la première hypothèse soit bonne rend le truc horrible, vraiment rend ce qui s'est passé avant horrible, et bref, c'est un film qui a le don de mettre mal, qui est osé, qui va aborder des sujets que, pas joyeux de ouf quoi, ça va faire parler, ce film va énormément faire parler, très clairement, mais moi j'ai adoré, j'aime beaucoup dire j'avais jamais vu, pour dire ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais non, c'est pas jamais, c'est ça fait longtemps que j'avais pas vu un thriller qui m'avait autant scotché à mon siège. Vraiment, j'étais dedans, mais de A à Z. Enfin, je dis scotché à mon siège, des fois je m'avançais tellement j'étais dans le film. Et puis il y a des scènes, mais d'une maestria, mais. Ah, je pense à. Il y a un moment où la petite de la famille demande à sa maman, mais. Ah, tu penses que Gloria pourrait être ma sœur? J'ai envie de lui demander. Et la maman dit, bah oui. Et du coup, à un moment, elle lui demande... Enfin, bon, ouais, c'est pour lui faire plaisir, voilà. Donc bref, à un moment, elle lui demande... ah oui, est-ce que ça te dirait d'être ma sœur? Et fait, ah bah oui, pourquoi pas, etc. pour faire plaisir à la môme. Et enfin, c'est ce qu'on pense. Et en fait, quand elle commence à commettre des agissements horribles au sein de la maison... on a peur d'elle, on a peur de Gloria, on a clairement peur de Gloria, qui est jouée par cette actrice incroyable, donc, dont je vais retrouver le nom très vite, qui est Alba Gaia Belugi, qui était présente d'ailleurs, et qui, voilà, bref, qui m'a bluffé. Et y a cette scène avec, je pense à cette scène avec Jackie Berroyer, Jackie qui était là d'ailleurs, putain, quel plaisir de voir Jackie Berroyer, j'avais jamais vu, c'était un grand plaisir, un grand monsieur du cinéma. Voilà, j'ai pu prendre une petite photo avec lui et tout, c'était sympa, c'était beaucoup de plaisir, bref. Il y a cette scène avec Jackie Berroyer où il demande à Marcel, enfin à Poulvord, « Ah oui, donc du coup, vous l'avez vu ou pas ?» Il fait « Bah, qui ça ? Bah, la fille que vous cherchiez, là, où vous êtes venu demander. »« Ah, mais non, ça, vous inquiétez pas, elle est partie. » Il fait « Ah, donc vous êtes au courant ?»« Mais au courant de quoi ?»« Ah, oh, bah, elle a dit qu'elle partait chercher sa sœur et qu'elle partait en vacances. » Et il y a ce moment-là où tout mon sang s'est glacé. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... Elle va pas partir en vacances avec elle. C'est pas des vacances qu'elle va faire. C'était horrible. Il y a vraiment, je trouve des scènes mais de tension, mais superbe. C'est un thriller incroyable mené par... Voilà, une réalisation, mais impeccable des acteurs, mais en apothéose. Vraiment, inexorable, je conseille. C'est distribué par Joker's Film. qui encore une fois viennent tout niguer, très clairement. Joker's film, voilà, ça c'est une très bonne pioche. Ça m'étonne pas que je crois qu'ils ont même participé à la production, si je dis pas de conneries. Je peux dire des conneries là-dessus, c'est possible. Mais je crois qu'ils ont participé à la prod. Bref, toujours est-il que c'est un film à voir. C'est un film à voir, c'est excellent. C'est un thriller. Pff, un thriller, mais incroyable, qui va vous prendre et vous pas vous lâcher jusqu'à la fin. C'est quelque chose de très malsain, c'est quelque chose de très. Il y a des trucs que j'avais pas ressenti depuis The Strange Things About the Johnsons d'Ari Aster, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, vraiment, il y a des trucs très très très malsains là-dedans. Mais c'est ce qui rend le film super, c'est justement ce qu'il arrive à faire de ces sentiments-là. Le malaise qu'il arrive à installer chez son spectateur, moi, c'est une mécanique dont je suis très fan, en plus de la personne obsédée, c'est vraiment ce truc de ok, je vais te mettre mal à l'aise, mais as fuck, vraiment. Et voilà, c'est totalement mon type de film, je ne pouvais qu'adorer en fait, voilà. Inexorable, c'est un grand oui. Meilleur film de l'Étrange Festival, voilà. On va maintenant passer à un autre film de Joker's film, cette fois-ci pas pareil, c'est les pas pareils, voilà. Puisqu'on va maintenant passer à Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurice. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. Ah, les seniors sont très très fraudeurs, beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y avait aussi l'aide aux cantines qui peut être supprimée pour les chômeurs, parce que il y a quand même le nombre d'enfants de chômeurs qui bouffent à la cantine alors que les parents foutent rien à la maison. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils peuvent leur faire à manger, quoi. Bien sûr. Et si on taxait les avortements? Ah non. Là, tu vas trop loin. Alors mon avis sur ce film est un peu particulier, ça fait partie des rares films que je n'ai pas noté sur Letterboxd. Vous comprendrez pourquoi après la critique, mais voilà. C'est en gros le teaser que vous avez entendu, on dirait clairement une comédie sur la politique. C'est pas ça. C'est même pas qu'une comédie en fait. C'est-à-dire que ça commence comme une comédie, je rigole. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a vraiment des moments où ça, je trouve que c'est bien. Mais même si, voilà, il y a vraiment des moments où, même si je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour le coup, où ça questionne le rire. C'est-à-dire que je rigole, mais j'ai honte de rigoler, en fait. Il y a, par exemple, un moment où un mec se fait enculer, mais donc il ne se fait pas enculer avec consentement, donc c'est un viol, clairement. Et le mec qui l'encule, en l'enculant, en fait le gars est ministre, et donc en l'enculant, bah il dit 49-3. Et ça m'a fait rire. Et j'avais honte. Immédiatement, j'avais honte d'avoir ri. Mais je trouve que c'est une bonne allégorie du 49-3. Et c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je trouve que c'est une bonne allégorie du 49-3, même si le traitement du personnage, du coup, enfin, ce qui arrive au personnage est horrible. Et c'est pour ça que je m'en veux de rigoler. Et donc voilà, il y a ces trucs parfois où on va se questionner, où on va se dire, mais ok, mais est-ce que mon rire est légitime là? Est-ce que je peux rigoler sans avoir honte? C'est un film qui va loin. C'est même un film qui va trop loin. Il y a le moment, quand vous verrez, je crois que le dernier truc qui m'a fait rire dans le film, c'est le plan sur l'Assemblée Nationale. Le plan sur l'Assemblée Nationale, voilà, c'est tout. Après, on part sur une meuf qui se fait violer, une meuf de 16 ans, qui plus est, qui m'a mis extrêmement mal à l'aise et qui a fait sortir et pleurer des gens dans la salle, parce que voilà. Et en fait, au moment où elle arrive à s'échapper, elle se dit, bah nique sa mère, je vais aller me venger. Et donc, elle va voir le mec, elle lui coupe les couilles, elle les fout au micro-ondes à 900 watts, c'est précisé dans le procès, c'est important apparemment. Et elle lui fait bouffer. Voilà. Est-ce que ça vous va? Ben moi j'étais pas prêt à voir ça. Moi je m'attendais pas à voir ça. J'étais pas prêt à voir ça. Et donc il y a ce truc de... Bon bah ok. Voilà le truc de... genre le film est anti-viol. Parce que bon voilà. Ça te dit clairement. Regarde ce qui devrait arriver aux violeurs selon moi. Voilà, moi c'est ça que je voudrais faire aux violeurs. Donc les violeurs, vous faites attention, sinon vous faites bouffer vos couilles. Mais il y a aussi ce truc de... Et qui a gêné Alexei, ce truc de... C'est un peu pris de manière ludique. Ce truc qui a gêné pas mal de gens. ce truc où je sais pas trop me placer en fait, parce que j'ai la profonde conviction que le film dans son propos se veut être anti-viol. J'ai la profonde conviction de, dans ce qu'il montre, ça se veut être anti-viol. Mais j'ai aussi la conviction que dans la manière dont il le montre, il y a une espèce d'ambiguïté qui me gêne un peu. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec la fin du film. Et il y a, voilà, sinon le reste je trouve ça assez drôle. Mais il y a cette intrigue autour du viol de la fille qui m'a vraiment beaucoup déstabilisé, qui je sais vraiment pas quoi en penser en fait. Et voilà, même si ça m'a fait rire énormément avant, il y a juste vraiment ce truc où ça tape un peu fort quoi. Voilà, et donc je sais pas si... voilà, c'est pour ça que ce film me laisse perplexe et que je n'ai pas noté. Il y a vraiment ce dernier segment qui me gêne un peu. Et pourtant, il y a des trucs, voilà. C'est-à-dire que la meuf, quand elle sort de son procès et que elle a été innocentée, il y a une foule de femmes, probablement victimes de viol, je suppose, dans le film, qui l'attendent, voilà, pour lui dire, enfin, voilà, pour la remercier ou bref, tout ce genre de trucs. Et le dernier truc qu'elle lâche, c'est un petit clin d'œil à la caméra. Donc évidemment, s'il y a une volonté de rappeler Funny Games, évidemment. Ce clin d'œil, je sais pas, c'est vraiment tout. En fait, ce clin d'œil, ça illustre parfaitement mon truc, c'est que le clin d'œil est profondément anti-viol, puisque bon bah voilà, le clin d'œil, c'est en mode bon bah voilà, je me suis vengé, voilà, j'ai déchaîné toute la haine que les gens pouvaient avoir pour les violeurs. C'est cadeau, le petit clin d'œil, voilà. Sauf que dans la manière dont elle le fait, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de ludique. Bah, Funny Games, voilà. Funny Games, c'est brillant parce que on a l'impression qu'on est que les gens font ça pour nous. Et là, il y a ce truc qu'on retrouve, mais en fait qui touche un sujet qui est très ancré dans la société actuelle et qui fait que ça tape un peu fort. Et qui fait que je sais pas si un truc à la Funny Games c'était la meilleure chose pour Orange Sanguine. Je sais pas si c'était la bonne manière pour aborder ça. Et donc ça a le don de me laisser un peu perplexe. Voilà. Après, je dis pas que c'est un mauvais film, il y a de très bonnes idées de réalisation, il y a de très bonnes vannes, vous allez beaucoup rire au début. Mais la fin, faut être accroché. Je préfère prévenir. Voilà. C'est juste que dans les actions, ça va. Par contre, pour ce qui est de la manière dont c'est fait, le fond, ça va. La forme me laisse un peu perplexe. Donc voilà, je ne saurais pas si je vous conseille Orange Sanguine. Faut s'accrocher. En tout cas, si vous avez été victime de viol ou que vous connaissez des gens victimes de viol et que ça, c'est un truc qui vous touche, j'aurais tendance à dire de ne pas y aller. Voilà, bref, je laisserai les gens qui le souhaitent faire leur propre avis, tout simplement, puisque c'est aussi ça le cinéma. Et donc on va rester dans un contexte de comédie, mais on va parler d'un truc bien plus léger quand même, on va parler de ma comédie préférée de l'Étrange Festival, on va parler d'un énorme coup de cœur, on va parler tout simplement de Zai Zai Zai Zai de François Dezania. Donc Zai Zai Zai Zai, c'est l'adaptation de la BD du même nom qui a été faite par Fabrice Caro. Voilà, qu'on a déjà pu voir une des adaptations de Fabrice Caro cette année au cinéma avec Le Discours. Voilà, donc c'est une grande, j'allais dire une grande année pour Fabrice Caro, mais non, parce que Zai Zai Zai Zai ne sortira qu'en 2022. Et c'est bien dommage, parce que c'est hilarant, c'est génial, c'est vraiment... J'adore ce film. En fait, si vous voulez, si on avait pris le concentré de ce qui me plaît dans l'humour et qu'on l'avait mis dans un film, je pense que Zai Zai Zai Zai, on serait pas loin. C'est d'une absurdité débile. C'est d'un non-sens, mais incroyable. En fait, il faut que vous acceptiez que vous allez aller dans une société, dans un monde, dans un univers qui n'est pas le vôtre, qui n'est absolument pas le vôtre, ou qui n'a pas les mêmes codes que le vôtre, et qui a des codes bien à lui, et qui vont en fait créer énormément d'absurdes dans les vannes, et moi l'humour absurde c'est un truc que j'adore par-dessus tout. Voilà. Il faut savoir, moi l'absurde c'est quelque chose que j'adore, mais vraiment que j'adore. par exemple, mon film préféré. Enfin, j'adore la trilogie Cornetto, par exemple. Voilà, d'Edgar Wright. Je pense que ma comédie préférée, c'est La Cité de la Peur. J'adore l'absurde. J'adore vraiment l'absurde. Et donc, ce film, encore une fois, pareil, ne pouvait que me plaire. Je vous conseille, j'ai lu la BD aussi, donc je vous conseille de voir le film avant. Parce que ça vous connaîtrez pas les vannes à l'avance, du coup, ce sera plus drôle. Et après, lisez la BD, parce que du coup, il y a quand même des vannes qui n'y sont pas. Et puis, en lisant la BD, vous allez avoir le film en tête, donc ça va être d'autant plus drôle. Voilà, donc lisez la BD. Franchement, c'est après coup, mais lisez la BD, parce qu'elle est vraiment bien, la BD de Fab Caro. Non, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a des vannes absolument folles. Il y a des vannes qui m'avaient pas fait autant rire depuis... Waouh ! Vraiment, il y a... Bon, allez, deux, trois petits exemples comme ça. Il y a cette... ça c'est dans le livre ou un moment en gros, ah oui j'ai pas dit de quoi ça parlait, j'oublie tout le temps, je suis désolé, bref, où en gros le mec recherché, c'est en fait dans la BD, c'est un auteur de BD, il s'appelle Fabrice, oh là là, on se demande de qui vient l'inspiration, dis donc. Bref, ça a été changé dans le film, c'est maintenant, et c'est pas toujours Fabrice, mais c'est un acteur de comédie parce que c'est Jean-Paul Roux qui le joue. Et donc en gros, c'est un débat à table où il fait ah, mais ça c'est le père fait, ça c'est les acteurs de comédie, ça forcément. Et la fille ado, genre, commence à s'énerver, à faire mais putain, mais tu te rends compte de ce que tu dis, espèce de facho, va, mais t'es d'extrême droite ou quoi, c'est hyper fâche, hyper d'extrême droite ce que tu dis et tout. Et fait mais calme-toi, ça va pas ou quoi. Il fait mais non, ça va pas, vous voyez pas que j'ai mis des lacets de couleurs différentes pour exprimer mon refus de cette société de merde. Et du coup, elle lâche un, de toute façon, c'est bon, j'en ai marre de vous. Et elle ouvre la fenêtre et elle saute. La fenêtre d'un immeuble, et elle saute, et on entend l'impact. Elle est totalement décédée. Et le daron qui fait « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Et la mère qui fait « Non, mais laisse, c'est la crise d'adolescence. » Alors que la fille est juste morte. C'est vraiment le... J'ai eu mon rire de « Putain, ça va loin, mais c'est drôle. » Genre vraiment, ce rire-là, je l'ai pas souvent. Enfin, si, un peu quand même. Par exemple, bah, dans ce film, je l'ai eu très souvent. Dans l'origine du monde aussi, je l'ai eu très souvent. Voilà, il y a des films comme ça où il est là très souvent, ce rire. Bref, passons. Non, mais oui, il y a des vannes comme ça. Il y a aussi une vanne, la vanne très rapide sur la classe où la maîtresse fait... Alors, qui peut me dire ce que c'est que la tolérance ? Non, pas toi, Malek. Voilà, il y a ce genre de truc, ce genre de vanne-là. C'est un peu... si vous voulez, c'est un peu les méchants. Sauf que c'est les méchants... en réussie, c'est les méchants bien écrits et c'est les méchants avec beaucoup de cinéma dedans. Voilà, c'est ce que j'ai dit à la sortie. J'ai dit que c'était les méchants avec du cinéma, même s'il y a du cinéma dans les méchants, mais que dans l'ensemble, c'est plus un sketch YouTube. Voilà, déso, pas déso. même si j'ai beaucoup rigolé devant les méchants, mais c'est pas le sujet, mais c'est écrit avec le cul. Mais voilà, bref, passons. On n'est pas là pour parler des méchants, on est là pour parler de Zay Zay Zay Zay. Non, bon, donc bref, je. Je trouve que voilà, c'est pas facile d'adapter du Fab Caro, j'avais lu le livre, le discours aussi, c'est pas facile de faire ce que Laurent Tirard a fait, c'est pas facile de faire ce que François Dozanier a fait. Il y a des trucs genre hyper absurdes du style, en gros, bah voilà, le gars oublie sa carte de fidélité et devient l'ennemi public numéro 1. Enfin, je veux dire déjà ça, c'est voilà, l'absurdité totale. Et il y a cette scène du coup au début où il oublie sa carte de fidélité. Et où, en gros, pour se défendre, il prend un poireau en disant « Non, mais j'ai juste oublié dans mon pantalon. » Et le vigile qui s'excite en mode « Oh, pose ce poireau tout de suite. Attention, hein, m'oblige pas à faire une roulade arrière. » Voilà, ce genre de trucs qui n'ont aucun sens et qui font mourir de rire. Mon Dieu, vraiment, c'était... Non, mais voilà, bref, j'aime beaucoup. Et puis, il y a... Ça se fout aussi de la gueule des complotistes du style... Là, qui fait « Non, mais ça, c'est pas étonnant, ça. Il a oublié quoi ? Sa carte de fidélité ? Ouais. Et qui dit fidélité ? Non, qui dit carte de fidélité dit fidélité. Ouais. Qui dit fidélité dit adultère. Qui dit adultère dit terre. D'accord. Qui dit terre dit râteau. Ouais, d'accord. Qui dit râteau dit Torah. Et qui dit Torah dit juif. Voilà, bref, il y a des trucs comme ça, genre le... Voilà, bref, c'est super, ça c'est dans le livre, hein, mais bref, c'est super bien trouvé. Et puis il y a des vannes hyper drôles, bref, je vais pas tout raconter, je vais pas raconter toutes les vannes du film. Mais juste sachez que je pense que c'est une de mes comédies préférées. Tout court. Voilà, je pense que, ouais, ça aurait peut-être été la meilleure comédie de 2021 si ça sort en 2021, mais si l'origine du monde est très haut dans mon cœur à cet endroit-là. Mais voilà, sincèrement, je pense que, ouais, non, vraiment, c'est un film à voir. C'est vraiment un film à voir. Il sort en février 2022, c'est distribué par UGC, si je dis pas de conneries. Il faut que j'aille vérifier mes informations parce que j'ai peur de dire de la merde. Il me semble que c'est distribué par UGC. Je sais qu'il sort le 23 février 2022, ça j'en suis sûr. Et c'est distribué par Apollo Film. Voilà, désolé Apollo. c'est distribué par Apollo Film. Voilà, vraiment, donc il faut y aller. Il faut y aller, c'est super. Il y a un casting mais complètement fou. Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzi Bedia, Yolande Moreau. Voilà, vraiment, il y a tout ce casting génial. Et d'ailleurs, Jean-Paul Rouve était là, et c'est vrai que voir Jean-Paul Rouve, en vrai, c'est marrant, voilà. Et Jean-Paul Rouve est un très bon acteur, voilà, il faut arrêter de le résumer aux tuches. Déjà, les tuches 1, c'est bien, je suis désolé, c'est pas le sujet encore, mais les tuches 1, j'aime bien. Et Jean-Paul Rouve ne se résume pas aux tuches. Jean-Paul Rouve a fait des trucs très très bons. Jean-Paul Rouve, voilà. Et Zai en fait partie. Et heureusement que Zai existe. Parce que ce film est formidable. Et c'est la meilleure comédie qu'on ait pu voir à l'étrange, tout simplement. Voilà, donc c'est une séance à laquelle je devais pas du tout aller. Je suis arrivé ric-rac à cause de problèmes dans le RER où j'ai cru que j'allais péter un câble. Mais bref, voilà, donc c'est un immense coup de cœur. C'est une BD qui est parfaitement adaptée. Enfin voilà, François Dezania. Oui, c'est François, non ? Non, c'est pas François, ça c'est son frère. Ah, je sais plus. Mince, comment il s'appelle ? Ça me fait paniquer. Je le confonds toujours. Si, c'est François Dezania. Non, son frère, c'est Vincent. C'est Vincent. Bref, voilà. Bref, François Dezania a parfaitement compris l'univers du truc, en fait. Vraiment, a parfaitement compris l'univers de la BD. Et a réussi à le transposer en rajoutant des éléments d'intrigue qui sont pas dans la BD en plus. Donc il y a quand même un travail d'adaptation. Donc voilà, c'est fabuleux. C'est hilarant. C'est vraiment super sur tous les points. Et je vous encourage très très fort à y aller. Parce que c'est super, voilà, allez voir Zai le 23 février 2022 quand ça sortira. On va maintenant enchaîner avec une autre comédie française de l'Étrange Festival, puisqu'on va parler de Barbac de Fabrice Eboué. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de vegan grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Alors Barbac, c'est un film qui sort très très prochainement, puisqu'il sort le 27 octobre, donc je sais pas quand cet épisode sortira, mais toujours est-il qu'il sort très prochainement, dans une vingtaine de jours au moment où j'enregistre, donc c'est bientôt. C'est l'histoire de Sophie et Vincent, qui sont en fait deux bouchers. Leur boucherie rame un peu, voilà. Les affaires vont un peu mal, leur couple va mal, voilà. Et un jour, ils se font attaquer par des véganes. Enfin, leur boucherie se fait attaquer par des véganes. Et ils retombent sur un des véganes qui a attaqué leur boucherie. Et Vincent le bute accidentellement. Sauf que du coup, il se dit « Putain, mais comment je vais faire disparaître le corps ?» Et il se dit « Bah, j'ai une boucherie, je vais en faire de la viande, je vais le mettre en format jambon, quoi, globalement. Et voilà, après, je le jetterai avec les invendus et ce qu'il y a pourri, etc. Comme ça, ni vu ni connu. » Sauf que ça, il ne le dit pas à Sophie. Sophie qui, du coup, arrive à la boucherie et découvre un jambon, en fait, tout simplement. Et en fait, Sophie se dit bon, c'est un jambon, je vais le mettre en vente. Et donc elle vend du jambon d'humain aux clients de la boucherie. Jambon que les gens vont plutôt apprécier bizarrement, et donc ça va obliger Vincent à sortir un gros mytho du style non mais en fait en Iran ils ont interdit les porcs et il y a un mec qui l'a gardé en élevage et du coup c'est les derniers porcs d'Iran. Voilà. Et donc, ce sera le porc d'Iran, alors qu'en fait, c'est du vegan. Voilà. Le pitch m'attirait de fou. Je dois admettre que ce pitch, déjà, me faisait rire d'avance. C'est marrant. C'est drôle. C'est drôle, Barbac. Mais, un peu déçu. C'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film. Je leur ai dit si c'est un mauvais film. Si vous écoutez le podcast, vous savez que je ne tue pas langue de bois. Je vais pas dire que j'aime un truc alors que je l'aime pas. C'est pas un mauvais film. J'ai juste été déçu, parce que je trouve qu'il y avait un potentiel énorme, en fait, en termes de ressort comique sur l'intrigue de base. Enfin, je veux dire, il bute des vegans pour les donner à bouffer à des gens, ça pourrait être drôle. Et en fait, le truc qui au bout de 30 minutes de film, essouffle le truc, c'est que, ok, il y a des très très bonnes scènes, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a des très très bonnes scènes, mais c'est un film où ça s'essouffle au niveau des vannes. C'est-à-dire que c'est un film où ça va rentrer dans les véganes en permanence, sans raison. Juste des vannes sur les véganes en boucle. Et c'est un peu ça le problème, c'est que ça, c'est juste des vannes sur les véganes. Il y a des trucs très drôles. Il y a la scène du dîner où je vous mettrai, dans la bande-annonce, je vous mettrai cet extrait. Où en gros elle dit, c'est un dîner avec leur fille, leur fille et son mec. Et le mec dit, moi je suis végane, mais ma démarche est personnelle, hein, j'estime que je dois l'imposer à personne, et voilà. Et du coup, il fait, oh, le parent fait, oui, c'est bien. Et du coup, il fait, je te sers la cuisse, comme d'habitude. Il fait, moi je mange pas de viande. Bah, pourquoi? Bah, parce que sa démarche est personnelle, oui. Mais, si je l'embrasse après avoir mangé de la viande, c'est comme s'il en avait mangé aussi. Je te sers des cèpes, du coup. Non. Il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable. Ça nuit à votre démarche personnelle. C'est ça, voilà, ça vient. Vous voulez du vin? Moi, je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Ouais, pauvre. Oui. Voyez-vous ce que vous appelez Château Saint-Émilion? Moi, j'appelle ça du Château Auschwitz. Donc voilà, il y a ces deux, trois vannes qui sont marrants, qui offrent des scènes très, très, très drôles. Il y a ce running gag avec un truc comme de fait entrer l'accusé, qui est aussi très très drôle, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a énormément de gags de ressorts comiques extrêmement bien trouvés. N'empêche que, il y a de l'inventivité, il y a un bon rythme, ça s'essouffle très rapidement. C'est-à-dire que, c'est comme je dis, moi ce qui m'a vraiment gêné, je vais pas mentir, j'ai pas un souvenir énorme du film, genre je me souviens des scènes. Je me souviens qu'il y a des trucs assez marrants, je me souviens que il y a des trucs assez osés. Il y a vraiment une vanne, je sais plus, qui nous avait marqué et qui m'avait fait éclater de rire, mais qui était assez limite. Il y a des fois des vannes assez limites, mais il y a des ressorts comiques qui m'énervent. C'est-à-dire qu'on va taper inutilement sur les véganes en permanence. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est censé être le pote de Vincent et Sophie, qui est un connard, et du coup, sous prétexte que c'est un connard, il va pouvoir dire tout ce qu'il veut. C'est vraiment le gars qui te lâche. Non mais ça va, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, quoi. Voilà, c'est vraiment ce type de mec-là, à qui tu fais dire toutes les horreurs du monde, parce que, oh mais il est un peu con, du coup ça va, hein. C'est pas ce qu'il faut faire, et regardez, il est con. Voilà, bref. Il y a des problèmes. N'empêche qu'on passe dans l'ensemble un moment assez agréable, que c'est pas très long. Ça fait 1h30, c'est pas très très long. Donc, je vous conseille Barbac. C'est pas une des meilleures comédies horrifiques que j'ai vues. Franchement, on aurait pu faire mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, ça reste très drôle. Il y a des scènes excellentes, je pense, au moment où les vegans reviennent dans sa boucherie à la fin et où il y a ce truc avec le crochet pour accrocher la viande. Voilà, il y a des très bonnes scènes dans Barbac. Il n'empêche que, compte tenu du plot, du fait que ce soit Fabrice Eboué qui réalise, du fait que Marina Foïs soit dedans, je m'attendais quand même à rire un peu plus. Voilà. Après, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, c'est genre un 3,5 sur 5. Mais, un peu quand même déçu par Barbac. Voilà. On va maintenant changer totalement de registre et partir dans le cinéma norvégien avec The Innocent de Eskil Vogt. The Innocent, c'est l'histoire de différents enfants dans une cité. Ça n'est pas du tout ce que vous pensez quand je dis ça, c'est vrai que voilà. Différents enfants dans une cité papa, maman, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de nous, du coup on va sortir et jouer. Et oh, on découvre qu'on a des pouvoirs. Voilà, globalement c'est ça. Je vais pas mentir, je vais être très honnête, comme d'habitude, je suis sorti de la salle, j'étais en crise d'angoisse, clairement, j'étais pas bien. Parce que ça fait partie des films que je range Cannibal Holocaust dans cette catégorie, mais ça fait partie des films qui te disent « Hey, regarde, c'est choquant ce que je te montre, hein. Hey, regarde, c'est violent. T'as vu comment c'est violent? T'as vu comment c'est cruel? Et en plus, c'est des enfants qui le font. » Est-ce que t'as vu ça? T'es choqué, hein? Oui. Dans un sens, le film a eu ce qu'il voulait, parce que je suis ressorti pas bien, vraiment. C'est juste de la violence gratuite, des actes cruels gratuitement, sur des gosses, voilà. Enfin, par des gosses, et sur des gosses, souvent. C'est un problème. C'est un problème, selon moi, c'est le plus gros problème du film. Je vois pas de réelle évolution scénaristique, c'est-à-dire que c'est vraiment, on en parlait aussi à la fin de la séance, c'est vraiment un truc de, alors oui, bon, moi j'ai ce pouvoir, regarde, moi j'ai aussi ce pouvoir, ah ok, bah moi regarde, j'ai ce pouvoir, mais même mieux. Donc, c'est un peu le jeu de qui est la plus grosse et de qui sortira le meilleur pouvoir, et de qui fera le plus gros meurtre et le meurtre le plus horrible, quoi. Et je trouve que il y a une grosse faiblesse scénaristique dans ce film. Ce qui me gêne énormément, parce que c'est écrit et réalisé par Esquilvogt qui a coécrit Julie en 12 chapitres, dont je parlerai dans un prochain épisode, qui est devenu mon film préféré de l'année, et qui est un des films les mieux écrits que j'ai pu voir dans ma vie. Donc ça me fait vraiment chier, j'y allais vraiment avec des bonnes intentions. J'y allais vraiment, en voulant voir ce film, on m'en a dit énormément de bien, et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, quelle est ton idée en écrivant ça. Mais je trouve que c'est pas acceptable. C'est pas suffisant, enfin pas, c'est pas acceptable, c'est juste pas suffisant de prendre des gosses et de leur faire des trucs horribles. Voilà, pour moi c'est juste, ça marche pas, il faut autre chose dans un film, pour moi ça ne marche pas. Et d'ailleurs... là où j'étais un peu en mode « Ah ouais, super !» à la fin du festival, c'est que c'est lui qui a gagné. Voilà, c'est lui qui a gagné la compétition. Du coup, j'étais en mode « Ouais, trop bien. Waouh !» Bref, passons. Par contre, je dois le reconnaître, il faut que je reconnaisse. Il y a une mise en scène absolument dingue. Des trucs mais assez fous dans ce film. En fait, c'est juste dommage que ce qui soit montré soit aussi vide et cruel, en fait. Parce que de la manière dont c'est montré, je trouve ça assez brillant. Je trouve qu'il y a des décors assez brillants. Je trouve qu'il y a des effets visuels qui sont, mine de rien, assez brillants. Ce qui pourrait être étonnant pour un petit film norvégien comme ça. Le fond me dérange trop. Et je sais même pas pourquoi je parle de ce film, en fait, parce que je pense que mon ressenti... Enfin, c'est pas je pense, c'est mon ressenti est totalement biaisé, en fait. Bon, tous les ressentis sont biaisés, mais pas au même point que quand je suis sorti de la salle en crise d'angoisse, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est assez compliqué de vraiment juger de ce que vaut le film, parce que je me souviens surtout de l'état dans lequel je suis sorti. J'ai attendu la fin du film, quand même, j'aime pas sortir au milieu des films. Mais je suis sorti très très vite. Voilà. Donc... J'avoue que c'est un peu comme At the End of My Way, c'est venu un peu taper trop fort chez moi. Et je me souviens juste de voir, je suis juste capable de dire que la mise en scène était excellente, parce que c'est tout ce que je me souviens. Sinon, j'étais plongé dans mon mal-être. Voilà, c'était en plus j'avais d'autres problèmes perso en même temps. C'était pas le bon moment pour me manger ça, très clairement. Bref, on va maintenant passer au dernier film que j'ai vu lors de cet étrange festival, qui était le film que j'attendais le plus dans cette sélection, puisqu'il s'agit de Prisoners of the Ghostland de Sonotion. My granddaughter has been lost to us. I would have her return to me post haste. And you, sir, I am told, are the man to do the job. Each arm is equipped with an explosive device. Your trousers are also equipped with explosives. Bon, Prisoners of the Ghostland. Prisoners of the Ghostland, c'est le premier film américain de Sonotion qui a l'habitude de énormément tourné, qui d'ailleurs ça lui a fait très, enfin, énormément de mal au niveau de sa santé. En gros, il a eu, comment dire, il a eu, il a fait un heart attack, c'est, j'ai pas l'équivalent, ça doit être un AVC, enfin un arrêt cardiaque, voilà. J'avais le mot en anglais, mais pas en français. Non, il a fait un arrêt cardiaque du coup, parce que, bah voilà, parce qu'il travaillait trop, parce qu'il tournait trop, puis voilà, petit burn-out, arrêt cardiaque, voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui a décalé le film d'un an, puisque voilà. Du coup, en fait, de base, il devait tourner dans un désert aux États-Unis. Et puis Nicolas Cage a dit, alors en fait, si vous voulez, il vient de faire un arrêt cardiaque. On va éviter de tenter le diable. On va plutôt tourner au Japon. Voilà. Et cette décision de Nicolas Cage était aussi axée sur l'histoire. Il pensait que c'était aussi mieux pour l'histoire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait dégager Imogen Poots du projet qui devait être là, mais qui a abandonné suite à ça, et qui a été remplacé par Sofia Boutella, voilà. Qui, bon, c'est pas hyper désagréable, hein. Sofia Boutella, j'avoue que on dit pas non, voilà. C'est une excellente actrice, voyez Climax. D'ailleurs, en parlant de Climax, je tiens à dire que je voyais des gens qui disaient sur Twitter « Oh, j'ai croisé Gaspard Noé à l'étrange festival !» Et moi qui étais là, mais je veux croiser Gaspard Noé parce que c'est mon réalisateur préféré, et je ne l'ai pas vu, je suis très déçu. Voilà. Fin d'anecdote. Cette notion a désigné Nicolas Cage comme la personne la plus simple avec qui il a travaillé. Il a littéralement dit « Bring me back to death ». Donc il m'a ramené à la vie, quoi, globalement. Et il faut savoir que pour ce rôle, cette notion s'est beaucoup inspirée de « Sailor et Lula » de David Lynch, qui est son film préféré avec Nicolas Cage. Voilà. Donc Nicolas Cage, bon, c'est vrai que c'est un peu un acteur en dents de scie, c'est-à-dire que il a pas fait que des chefs-d'œuvre, quoi, pour dire ça comme ça. Je pense au remake de The Wicker Man, par exemple, qui est une belle merde, il faut le dire, surtout comparé à l'original. Mais j'avais espoir en me disant, ok, je veux aller voir Nicolas Cage dans ce film, j'ai espoir en Nicolas Cage, j'ai foi en lui, j'ai foi en sa notion, j'ai foi en voilà. Mais c'est pas bien. Ça m'emmerde de dire ça parce que c'était ma plus grosse attente du festival. C'est le dernier film que j'ai vu. Ça m'emmerde de l'admettre, mais c'est pas du tout un bon film. Je sauve la mise en scène de Sonotion. Notion. Vraiment. Il y a des choses assez folles. On en parlait avec Sophie et Arthur du podcast Pardon le Cinéma, qui n'écoute sûrement pas ça, mais si vous écoutez ça, bah déjà ça me fait très plaisir, parce que je ne pense pas. Bref, mais je vous salue en tout cas, voilà, si vous êtes là. Toujours est-il qu'on va parler avec eux, et j'ai Arthur qui me disait, il y a des trucs assez fous, notamment la scène avec les tableaux où il raconte l'histoire, et je suis d'accord. Il y a 20 minutes, il y a 20-25 minutes de génie en termes de mise en scène, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on se fait chier, mon dieu. Il y a un gros problème d'écriture, il y a un gros problème de rythme, il y a un gros problème de montage, il y a un gros problème d'action, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Je suis désolé. Le film se vend comme... Nicolas Cage dit littéralement, c'est le film le plus sauvage que j'ai fait. On s'attend à un gros truc, mais genre, ça pète dans tous les sens. Non. Il ne se passe rien quasiment dans ce film, il ne se passe rien, et ça m'énerve, voilà. Franchement, j'ai lu que le mec avait mis 17 ans à faire en sorte que son scénario se fasse. Pas sa notion, hein, c'est pas lui qui l'a écrit. Ça m'étonne pas, quand un film met plus de je sais pas combien d'années à se faire produire, posez-vous des questions. David Fincher, avant de faire Mank, fallait se poser des questions, parce que Mank, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on te l'a refusé pendant 20 ans. Voilà, posez-vous des questions quand vous faites des scénarios et qu'on les refuse pendant des dizaines d'années. Voilà. Bref, non, c'est un peu violent comme ça, mais... Non, mais j'étais énormément déçu, en fait. Puis il y a ce côté, ce truc où il essaye d'instaurer une... bon, il y a quand même une critique des films américains, je suis pas aveugle, je le vois. C'est pas très subtil, mais je le vois. Mais en gros, oui, il y a quand même ce côté critique, un peu cinéma américain, blablabla, tout ça. Mais ça décide quand même de faire un genre un côté américain. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des blagues, mais c'est beauflande. Genre, il y a des trucs du style... Mais en fait, Nicolas Cage, il porte une combinaison. Et en haut, il y a sa couille, elle explose. Non, stop, s'il vous plaît. Non, je trouve ça tellement dommage que autant de grands noms, que ce soit en acting, que ce soit en réalisateur, soient réunis pour faire ça. Je trouve ça dommage, parce que les décors sont fabuleux, parce que la mise en scène est géniale, mais c'est pas bien, il y a 25 minutes intéressantes sur 1h45, ça doit être un truc comme ça, voilà, 1h45. Donc on se fait chier, on se fait littéralement chier, voilà, je suis désolé, je voulais aimer ce film, je voulais l'aimer, je l'attendais comme pas possible, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible de proposer un truc comme ça, de proposer cette déception qu'est Prisoners of the Ghostland, voilà, c'est assez dur. Je m'attendais pas à aimer. Déjà, quand j'ai vu que Victor Bonnefoy, donc In the Panda, qui idolâtre son notion, clairement, a dit que c'était pas bien, je me suis dit, ok, là, il y a un problème. Et il y a un problème. Voilà, j'avais vu qu'un seul son notion avant, c'était anti-porno. C'est super. Regardez anti-porno. Regardez pas Prisoners of the Ghostland. Voilà, malheureusement, c'est... C'est raté, ça arrive pas de se détacher du cinéma américain auquel ça voudrait se détacher, enfin bref. C'est raté. Et ça me dégoûte parce que j'y croyais vraiment. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce... Enfin, c'était tout quand même, l'épisode a été très très long. Mais bon, après un long temps d'absence, il fallait bien que je me fasse pardonner en abordant beaucoup de films. C'est chose faite, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, sur en parler avec vos amis, etc. Ça me fait très plaisir de savoir que des gens m'écoutent, même si je continuerai qu'il y ait pareil, de la même façon qu'il y ait 1 million ou 2 personnes qui m'écoutent, voilà. Ça me fait quand même plaisir d'avoir des retours, quand on va me dire qu'on écoute et que même si jamais vous avez des conseils, des critiques, vraiment que c'est constructif, moi je prends tout, voilà, ça me fait plaisir vraiment juste d'avoir des retours, d'interagir avec les gens, parce que j'adore parler de cinéma et c'est pour ça que je fais ça, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à très vite pour un prochain. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh. Oh. Oh. Oh.